Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, les jeux vidéo, c'est la vie. Une série d'Antoine Tricot réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a un documentariste qui joue et une certaine fatigue face aux discours alarmistes. Il y a l'envie de ne pas passer à côté d'un loisir devenu patrimoine et auquel s'adonnent tout de même les trois quarts des Français. Et une pratique qui raconte des histoires et qu'il faut considérer. Alors pour commencer, les personnages. Un concepteur joueur, une conceptrice pédagogue, un codeur méticuleux, un développeur face aux pixels, deux scénaristes, un game designer et des éditeurs. Ensuite, le décor. Le Louvre, du virtuel, de l'animation, des nuages, des machines, des histoires sérieuses, un marché, des enjeux financiers, des œuvres, du fromage, du jeu et de la coopération. Aujourd'hui, deuxième épisode, ambiance Heroic Fantasy. Les jeux vidéo, c'est la vie. Aujourd'hui, les jeux vidéo nous racontent des histoires. Antoine Tricot et Rafik Zénine. Déjà, tous les créateurs de jeux vidéo sont des joueurs à la base. Parce que souvent, on crée un jeu vidéo, je dirais même quasiment tout le temps, parce qu'on aimerait jouer à un bon jeu et on n'en a pas. C'est-à-dire que souvent, on joue à un jeu et on est un peu frustré parce qu'on dit « Ah, ce jour était tellement bien s'il avait été comme ça, s'il y avait eu cet élément-là. » Et évidemment, si vous rêvez d'une grande aventure qui va vous emmener dans la forêt, par exemple, eh bien, vous allez créer cette forêt numérique, et vous allez la visiter, vous allez en faire ce que vous voulez, vous allez l'offrir aux autres. De la même façon qu'un peintre dirait « Le paysage est beau, je vais en faire un tableau pour le montrer aux gens », ou le photographe ferait la même chose, ben, le créateur de jeux vidéo, souvent, s'inspire de la nature, s'inspire des choses qui sont autour de lui, et dire « Ça, c'est vraiment bien, il y a quelque chose à faire. » Une promenade dans une forêt, une énigme dans un vieux donjon, une plongée dans un océan sur une planète inconnue, un combat épique dans une ruelle de Londres. Des dizaines de jeux m'ont marqué par leur jouabilité, leur graphisme, leur musique ou par leurs ambiances. Mais ce que je préfère, toujours, ce sont les histoires. Des milliers de jeux vidéo sortent chaque année dans le monde. Des jeux de sport, des jeux de combat, des jeux d'arcade, des jeux d'aventure, des jeux de rôle, des jeux de stratégie. Certains misent sur d'immenses mondes ouverts que l'on peut explorer sans limite, des open world, comme on dit. D'autres préfèrent tabler sur des jeux très simples et légers techniquement. Le marché est très concurrentiel. Mais ce qui fait la différence, ne serait-ce pas la capacité d'un jeu à nous raconter une histoire qui nous tienne en haleine comme un bon livre, un bon film ou une bonne série? Cela fait longtemps que je me demande comment ces histoires sont conçues pour les jeux vidéo. Et pour mieux comprendre, un créateur connu sous le nom de Fibre Tigre et dont j'observe le travail depuis quelques années m'a invité à assister à un petit exercice de conception de jeux vidéo qu'il réalise avec son ami développeur Arnold Zephyr. C'est cool parce que tu vois, on peut avoir des peintres italiens de la Renaissance qui, eux, font la queue devant la... une salle sur la gauche. Derrière une vitre renforcée se trouve la Joconde. Deux vigiles surveillent les lieux. Okay. On va rajouter, ça c'est le texte de base, on va rajouter des petits objets, des nuages, des rives dans le ciel, comme ça on mettra des nuages. Comme des pigeons. ouais, ça c'est bien, des pigeons, des rives dans le ciel, ça marche, tu vois. Mais on va avoir des nuages, des rives dans l'aile de nom, et ça va être cool. Ou des nuages, regarde Mona Lisa, tu vois. Où on a lieu comme type. Là, aujourd'hui, nous sommes à l'Institut Henri Poincaré, à la Jam du Chaos. On a quelques heures pour faire un petit jeu sur le thème du chaos, mais avec une dimension mathématique. Donc nous, on a choisi de faire un jeu vidéo. Moi, je suis un spécialiste de la fiction interactive. Ce sont des jeux textuels uniquement en forme de texte. Mais ce qui est intéressant avec le jeu textuel, c'est que c'est très facile à produire. Et On peut, demain, si vous voulez produire un open world avec plein de des grandes cités, des voitures, des interactions entre plein de choses, c'est énormément de travail. Il vous faudra des milliers de personnes, ne serait-ce que pour le prototyper. Et si vous voulez le faire textuellement, en fait, vous pouvez le faire chez vous très rapidement puisque vous n'avez pas à créer un immeuble, vous avez juste à écrire le mot immeuble. Quel est le projet aujourd'hui justement ? En quoi consistera ce jeu vidéo ? Donc nous, on va écrire une scène textuelle. On va intervertir des éléments de la pièce. Par exemple, vous pouvez avoir un tableau accroché au mur. Ben là, on va avoir un mur accroché au tableau. Des scènes un peu surréalistes comme ça. Et en plus, le mélange des scènes va être fait de façon suivant des lois très précises du chaos. Voilà. On va donner une petite composante ludique. On va essayer. On n'a pas beaucoup de temps. En fait, la scène se passe dans le Louvre. On est un voleur. On veut voler un tableau. Et on va essayer d'avoir une machine qui nous permet non pas d'assommer tous les gardes et de rentrer par effraction au Louvre et de voler le tableau, mais tout simplement de rendre la scène tellement chaotique que finalement la Joconde se substitue à un objet simple qui est par terre et on peut ramasser l'objet tout simplement. Voilà. Il est 10h30 et on est jusqu'à 17h. Fibre Tigre. Aujourd'hui, vous n'êtes que deux pour concevoir ce jeu. Ouais. Vous travaillez uniquement sur du texte. Dans un jeu vidéo, normalement, on peut aussi avoir plein de couches différentes, des graphistes, des gens qui travaillent la musique, etc. À la fin, votre jeu sera seulement un texte. Est-ce que c'est encore un jeu vidéo ? Pour moi, oui, mais la question de la limite du jeu vidéo est très intéressante parce que déjà le terme n'est pas très bon et il renvoie au jeu qui n'est pas forcément quelque chose qui est respecté dans la société française. Mais regardez Twitter. Twitter, c'est une interface informatique où vous avez des quantités de chiffres qui vous définissent. Pour influer sur ces quantités et avoir des réactions d'autres participants à ce jeu, entre guillemets, il faut que vous fassiez des phrases. Est-ce que Twitter n'est pas un jeu ? Et la question, c'est inversement, Fortnite, sur lequel tous les enfants de 10 ans ou de 13 ans vont, non pas pour jouer, mais en fait pour retrouver leurs copains, est-ce que c'est pas un réseau social ? Et là, voilà, on sait pas, la question de la limite, de la définition du jeu, elle est très, très vague. Et effectivement, de loin, un jeu textuel, c'est pas vraiment un jeu, mais ça en a toutes les qualités. Voilà. Justement, ces qualités, c'est quoi ? C'est une interface qui est sur un ordinateur et qui permet à l'utilisateur d'interagir avec lui ? Je ne suis pas un philosophe, mais je dirais que le jeu vidéo commence où commence l'interactivité. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'interactivité, on est dans une œuvre linéaire, comme le roman, le film, et à partir du moment où on commence à avoir une interactivité, c'est-à-dire que le spectateur peut vraiment modifier ce qui va se passer à l'écran. Là, on est dans le jeu vidéo. Joanne Rousseau, nous sommes dans les studios Spiders que vous dirigez, dans le sud de Paris. Et quand on rentre dans les studios, il y a une première chose qui nous interpelle, c'est un vrombissement continu. C'est les serveurs, je crois, qui sont juste à l'entrée des studios. Effectivement, on a des locaux qui ne sont pas forcément extrêmement adaptés. Et donc, on a une petite salle dans laquelle sont entassés nos serveurs, nos disques durs, nos backups aussi. Alors, on en a d'autres qui sont hors site. Mais du coup, ça fait un certain bruit, oui. Et on a cette espèce de vomissement perpétuel. Comme on est sur place, on ne se rend plus trop compte, en fait. Mais effectivement, je pense que pour les nouveaux visiteurs, c'est un peu étrange, ce souffle. Il y a donc de gros serveurs dans une salle. Alors ensuite, toute la pièce est prise par des ordinateurs. Le gros de l'équipement sur un studio de jeux vidéo, c'est de l'informatique. On a du matériel effectivement qui va être assez spécifique parce qu'on a quand même aussi quelques kits de développement qui seront plus du côté de la programmation. Mais sinon, c'est des ordinateurs, des tablettes graphiques. On va réaliser aussi bien les décors, les personnages, les animations, etc. On a une cabine son, donc qui est un peu dédiée par contre au travail de l'ingé son. Et puis mixage de la musique, etc. Mais sinon, c'est vrai que c'est on crée à partir de rien, en fait. À partir de rien, tout est virtuel. Donc Donc là, ça va être plutôt le pôle graphique. On va avoir ici de la modélisation de personnages. On a du FX parce qu'on va aussi créer des effets spéciaux. Faut imaginer que on conçoit les décors un peu comme si on fabriquait plein de mobilier, d'éléments, des arbres, des plantes. Mais aussi des textures de sol, c'est-à-dire qu'on va décider ce qu'on va mettre par terre, on va créer aussi ces matières, en fait, idem pour les matières des murs et ainsi de suite. Et tout va être ensuite assemblé directement dans notre outil. Donc on a notre propre moteur chez Spiders, qu'on a développé depuis très longtemps. Et en fait, tous les éléments... Qu'est-ce que c'est un moteur, en fait ? Alors, pour qu'un jeu puisse tourner sur une machine, quelle que soit la machine d'ailleurs, il a besoin d'un moteur qui lui permette d'afficher déjà les choses. La première chose, c'est le rendu. C'est le fait qu'on soit capable d'afficher des images. Sur l'écran d'un ordinateur. Sur l'écran d'un ordinateur ou d'une télé quand c'est sur une console. Ou d'un écran quand c'est sur, effectivement, des consoles portables, par exemple. Quoi qu'il arrive, il y a toujours au moins un moteur d'affichage. Ensuite, le moteur gère aussi tout ce qui est interaction. C'est-à-dire que quand le joueur appuie sur une touche, il faut que le moteur récupère cette information-là, qu'il la transmette au jeu. En sachant que, bah, par exemple, cette touche-là a été attribuée par les concepteurs du jeu pour servir à sauter, par exemple, ou pour aller à gauche. Tous les éléments du jeu sont conçus, dessinés pour faire en sorte d'avoir l'impression d'avoir une unité visuelle, mais c'est aussi des choses qui vont permettre de décider de, par exemple, de la colorimétrie, de la lumière, de la même manière que pour un film, on va avoir un directeur de la photo qui va choisir l'étalonnage de chaque image, qui va vraiment travailler sur l'image pour donner, par exemple, une ambiance un peu bleutée, si on veut que ce soit un peu effrayant ou un peu froid, on fait exactement la même chose en jeu vidéo. Donc tous ces choix-là sont faits, ou en tout cas encadrés, par le directeur artistique. Donc là, effectivement, c'est les animateurs. Alors, il faut imaginer que donc on a les personnages qui ont été modélisés. Ça veut dire que on a créé un volume pour chaque personnage qui est composé de plein de petits triangles qu'on voit. Enfin, évidemment, les triangles après ne sont pas visibles dans le jeu parce qu'ils sont couverts par les textures qui leur donnent de la couleur, qui leur donnent éventuellement même du grain, etc., de la brillance selon. Ils vont mettre un squelette à l'intérieur, vraiment. Pareil, ce squelette ne sera pas vu par le joueur, mais eux, ils leur permettent de faire bouger les personnages et ils doivent définir que tel os va avoir une influence sur telle zone du corps. Ça peut aller jusqu'au détail du visage et où effectivement on va faire bouger des pseudo-muscles, puisqu'évidemment on n'a pas en vrai, pas de vrais muscles, pas d'os, mais on va faire bouger tout ça pour donner des expressions et des mouvements au personnage. Là on voit un personnage courir dans un cadre noir et donc il travaille, j'imagine, sur ce mouvement de course. Oui, absolument. Bretigre, vous êtes devant un ordinateur avec un fond noir, différents textes en différentes couleurs. C'est un peu le stéréotype du codeur qui est face à sa page noire et complexe à comprendre. C'est la réalité du travail de codeur, c'est-à-dire qu'on travaille sous fond noir parce que ça fatigue moins les yeux. Et les couleurs sont pas là pour faire stylé, mais en fait elles permettent de distinguer la nature des mots qui sont sur l'écran. Donc il y a des variables, qui peuvent être du texte, sinon un certain mot. Et puis il y a des fonctions, c'est-à-dire des éléments du code qui permettent de manipuler les éléments. Donc ça, c'est important de bien distinguer ces éléments. D'autant plus que parfois, par exemple, si on est sur un jeu de bateau, on va avoir description bateau, arrière du bateau, bateau qui bouge. Et bateau qui bouge, ça va être la fonction qui fait bateau. Il y a du bateau partout, en fait. Et du coup, il faut absolument qu'on arrive à distinguer facilement les choses les unes des autres. Voilà. La couleur est importante parce que, contrairement à un roman qu'on peut publier et il peut y avoir des petites coquilles, un programme informatique, s'il manque un point virgule, il ne va pas marcher. Arnold Zephyr, vous êtes développeur. Ça consiste en quoi exactement? Déjà, à la base, le code, c'est toujours des mots qu'on tape, quoi. A priori, on écrit toujours des mots sur un clavier. Ça pourrait être dans Word, dans l'absolu. Ça serait idiot, mais ça serait possible, quoi. Et après, il faut qu'il y ait quelque chose qui... Une machine qui comprenne ces mots et qui les traduise en actions faites par l'ordinateur, quoi. Par exemple, dans un certain langage, il va y avoir une fonction drawPixel. Nous, en tant que développeurs, on va mettre drawPixel 20,40,red, qui veut dire fais un pixel rouge à l'emplacement x égale 20, y égale 40. En fait, derrière, il y a toute une machinerie sur les ordinateurs qui va transformer ça en l'allumage d'un pixel sur l'écran de l'ordinateur, quoi. Alors, c'est quoi ton problème? Oui, c'est la fonction str. Elle prend un tableau de tableau, du coup, strt. Là. Bah, c'est le truc qui fait que quand tu lui passes une template string... Donc là, c'est effectivement le pool game design, c'est les gens qui vont concevoir les règles du jeu. Là, comme on est en phase de conception du prochain jeu, on est effectivement à une phase où on écrit beaucoup, où on tape beaucoup, où on code beaucoup. Mais il faut vraiment comprendre que c'est ces gens-là qui imaginent et intègrent toutes les règles du jeu. Alors quand on dit ça, comme ça, ça paraît un peu fou, mais il faut se dire que simplement la vitesse à laquelle marche un personnage, c'est une règle du jeu qu'il faut définir à un moment. Le jeu vidéo utilise plein de métiers différents, on a parlé de quelques-uns, les sound designers, les graphistes, etc. C'est des métiers qu'on peut retrouver dans l'animation, dans le cinéma, dans un certain nombre de domaines, même à la radio pour les sound designers, mais... Le game design, c'est le seul métier qui est vraiment complètement spécifique aux jeux vidéo. Après, on va dire qu'il y a des sous-spécialités. Il y a des gens qui vont spécialiser dans le combat, il y a des gens qui vont se spécialiser dans la conception de niveau, et donc de parcours. Donc d'imaginer ce que les joueurs doivent faire pour pouvoir atteindre la fin du niveau. Il y a des gens qui vont aussi se spécialiser dans on appelle ça le quest design, donc le design de quête, donner des missions aux joueurs, imaginer ces missions, les intégrer aussi, et ainsi de suite. Et donc, ces métiers-là sont vraiment des métiers qui sont spécifiques au jeu, puisque c'est tout ce qui a trait à l'interactivité, donc qui fait la différence entre notre média et les autres médias artistiques. So be it. Être game designer, c'est être un petit peu comme un écrivain des mécaniques de jeu. Florent Guillaume, game designer sur le jeu Vampyr, studio Dontnod. Le game design, ça a commencé avant le jeu vidéo, ça a commencé déjà sur les jeux papier, les jeux plateau, les jeux de cartes. Et du coup, comme on pourrait designer un jeu de cartes avec ses propres mécaniques, on design un jeu vidéo avec d'autres mécaniques en fait, qui vont attendre du joueur de remplir un objectif. Nous, en game design, on va essayer de mettre le joueur dans l'état d'esprit du personnage. Donc on va lui donner des possibilités. Le joueur peut marcher, il peut courir, il peut sauter, il peut tirer, il peut faire plein de choses. Et après, il y a beaucoup d'autres facettes. Un jeu vidéo, c'est aussi une histoire, donc on doit développer l'histoire à travers des niveaux, à travers des chapitres. Si je dois faire l'analogie avec un livre, donc on va créer des environnements dans lesquels il va se passer des événements. On va dire à ce moment-là, il va y avoir des ennemis qui vont arriver, on va devoir battre les ennemis, après on va rencontrer un personnage, on va parler à ce personnage. Donc c'est réellement comme d'autres types de récits, mais avec des mécaniques, avec un langage, un vocabulaire qui est adapté au jeu vidéo, en sachant que chaque jeu vidéo va recréer son propre vocabulaire. C'est ça qui est intéressant, parce que tous les jeux sont différents. On a beaucoup été habitué pendant longtemps dans le jeu vidéo avec des jeux challengeants, des jeux difficiles, des jeux de combat souvent, qui véhiculent en fait cette notion d'objectif et cette notion de surmonter un objectif. Le jeu vidéo évolue vers aussi une maturité de sujet, une maturité de public qui nous permet justement de raconter des histoires à d'autres gens, à d'autres publics, et des histoires plus profondes, des histoires plus engageantes aussi. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse à l'avenir, c'est de raconter, de nouvelles choses. Les joueurs ne sont pas tous pareils. On a vraiment des profils de joueurs qui vont être très différents. On a des joueurs, nous en tout cas sur ce genre de jeu-là tout particulièrement, le jeu de rôle, on a des joueurs qui sont plus, on va dire, boum-boum, c'est-à-dire qu'ils aiment bien surtout combattre, quoi. Tout le côté narratif, en général, ces joueurs-là, ils s'en fichent un petit peu. Ils les passent en accéléré, en appuyant sur une touche, et puis ils retournent à ce qu'ils aiment bien faire, c'est-à-dire du combat. Et c'est des joueurs qui souvent vont d'ailleurs augmenter la difficulté du jeu, parce qu'on a plusieurs niveaux de difficulté, et qui vont aborder le jeu vraiment en le mettant le plus difficile possible, parce que ce qui les intéresse, c'est de se prouver à eux-mêmes qu'ils sont capables de battre le jeu. Et puis on a d'autres types de joueurs qui, eux, pour les combats, ouais, pourquoi pas, mais c'est pas très important. Eux, ce qu'ils aiment, c'est l'histoire. C'est vraiment accompagner leur personnage dans cette histoire, essayer de découvrir tous les secrets du jeu, parler à tous les personnages. Et alors eux, le savoir que leur arme, elle fait plus 12 de dégâts, ils s'en fichent complètement. Eux, c'est vraiment l'histoire. Et c'est souvent un profil de joueur complètement différent, évidemment, parce que eux, la difficulté, c'est même l'inverse, ça peut quelque part nuire à leur expérience. Donc eux, ils vont mettre dans la difficulté la plus basse, qui est en fait un mode histoire, qui est vraiment dédié à l'histoire. On va quand même avoir des combats, mais ils seront, on va dire, plus symboliques qu'autre chose. Et on s'adresse à ces deux profils de joueurs-là, et c'est pas évident, parce qu'il faut, pour qu'ils soient contents tous les deux, pour qu'ils aient une bonne expérience tous les deux, on va effectivement mélanger des mécaniques, on va devoir anticiper, justement, en créant ces niveaux de difficulté, par exemple, l'accès de joueurs très différents. On n'y arrive pas toujours. Joanne Rousseau, vous êtes présidente du studio de création de jeux vidéo Spiders. Vous êtes aussi scénariste de jeux vidéo. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, scénariste de jeux vidéo? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On écrit plein d'histoires, en fait. On n'écrit pas qu'une, d'ailleurs. Et on conçoit l'univers. Donc la première étape, c'est celle-là. C'est de concevoir l'univers des jeux. Parce que, à moins de faire un jeu qui va être effectivement très, très inspiré de la réalité, voire qui se passe dans la réalité, la plupart du temps, quand on a des univers fantastiques, que ce soit de la science-fiction, ou que ce soit de la fantasy, ou que ce soit des fées, ou peu importe, au final, il faut effectivement concevoir cet univers, définir ce qui s'y passe, sa géographie, son histoire, son économie, éventuellement sa spiritualité, ou ses spiritualités, et ainsi de suite. Ça, c'est la première étape, et puis après, il se trouve que donc on en fait du jeu de rôle, donc on va donner, effectivement, c'est une aventure que le joueur va suivre. Par exemple, notre dernier jeu, c'est à peu près 45 heures de jeu. Donc 45 heures de jeu, c'est pas 2 heures de film. Ça veut dire qu'il faut, un peu comme dans une série, prévoir des rebondissements, l'histoire va vraiment se dérouler de plusieurs manières. Et en plus, souvent, on prévoit des histoires, j'ai envie de dire, latérales. On appelle ça side quest, c'est-à-dire que c'est des quêtes secondaires, en fait, qu'on donne au joueur, qu'il n'est pas obligé de faire, mais qui vont augmenter son expérience. La rallonger, bien sûr, d'une part, mais c'est pas seulement l'intérêt. L'intérêt, c'est souvent aussi de lui permettre d'en apprendre plus, justement, sur cet univers-là. Et aussi, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos jeux, qui vont lui donner des moyens de mieux comprendre ce qui se passe dans son aventure principale, éventuellement d'avoir des moyens différents, justement, d'influer sur cette aventure principale, de telle sorte que le fait qu'il ait fait ou pas ses quêtes secondaires modifie complètement son expérience et qu'il s'en retrouve avec une aventure spécifique qui soit vraiment la sienne, au final. Comment, concrètement, on écrit ce type d'histoire qui, forcément, n'est pas linéaire? C'est pas comme un livre où on a un début, on a une fin. Là, il y a un début, mais il peut y avoir plein d'aboutissements différents en fonction du joueur. Alors effectivement, ça s'écrit pas ni comme un livre ni comme un film. On est obligé de penser en arborescence. C'est un travail différent parce que le cinéma, en fait, a tendance, le cinéma ou le film, a tendance à imposer une vision d'auteur. C'est-à-dire que c'est un auteur qui raconte l'histoire qu'il a envie de transmettre à un public. Dans le jeu vidéo, on est obligé de se mettre, et c'est moi quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est effectivement un exercice très particulier, de se mettre à la place du joueur en permanence et de se demander qu'est-ce que, dans cette situation-là, les joueurs aimeraient faire? Est-ce qu'ils aimeraient prendre cette route? Est-ce qu'ils aimeraient parler à ce personnage-là? Est-ce qu'ils aimeraient ouvrir ce coffre? Est-ce que, et ainsi de suite. Et on essaie de dérouler l'histoire comme ça, en étant toujours dans l'empathie le plus possible avec les joueurs, avec ce qu'ils aimeraient être capables de faire, avec ce qu'ils aimeraient pouvoir réaliser, et ainsi de suite. Maintenant, y a quand même une partie de scénario qui repose sur nous, c'est-à-dire que c'est pas que l'envie du joueur, parce que le joueur, il n'a pas idée au début, quand il commence le jeu, de là où on va l'emmener, de l'aventure, de ce qui va se passer. Imposer une histoire linéaire au joueur, c'est le meilleur moyen aussi de le perdre au bout d'un moment, où il appellera ça du coup du cinéma interactif, et souvent, quand un joueur dit ça d'un jeu, c'est que c'est pas très bon. What are we gonna do now? I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos, where Dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do, as long as we're together. Can you tell me a story, like he did? I'm not as good as him. He used to tell me bedtime stories too. Once upon a time, in a wild. Sébastien Janvaux, vous traitez dans vos jeux de sujets sérieux, de sujets assez graves et surtout de sujets réels. Mais la première question qui me vient, c'est n'y a-t-il pas une contradiction entre le fait de jouer, cet aspect ludique qu'on associe à s'amuser, à se divertir, avec des sujets graves, et en particulier dans votre dernier jeu, le suicide de votre ex-femme? Alors effectivement, The Lie in My Heart, le jeu part du principe que l'on peut aborder des sujets sensibles, des thématiques matures, par l'intermédiaire de ce médium. Et c'est parti en fait d'une réflexion à la base, qui était que dans d'autres médiums considérés comme des œuvres culturelles, on pouvait aborder tout type de thématiques. Et par exemple, si on prend la bande dessinée, c'est assez intéressant de faire la comparaison entre bande dessinée et jeux vidéo. La bande dessinée, pendant très longtemps, était considérée comme un loisir d'adolescents, d'enfants, mais pas nécessairement quelque chose qui pouvait aborder des sujets compliqués, complexes, graves, liés au réel. Et on a vu dans les années 70 apparaître des bandes dessinées comme Maus de Art Spiegelman, qui parle de la Shoah, qui a remporté en plus le prix Pulitzer, donc qui a contribué à légitimer le domaine comme forme d'art, et puis qui a ouvert aussi les possibilités expressives à la bande dessinée. Et donc, cette mise en comparaison, moi, m'a interpellé, parce que je me suis dit, mais oui, mais est-ce que par le jeu vidéo, on peut aussi aborder des sujets complexes, matures, liés au réel. Mais effectivement, il y a une problématique qui se pose immédiatement, c'est que le jeu, notamment en Occident, est très connoté, et plus particulièrement le jeu vidéo, autour des notions de fun, de divertissement, plus d'un public aussi pendant longtemps qui a été considéré comme adolescent masculin. En même temps, le jeu peut être aussi un domaine qui va nous faire ressentir différents types d'émotions. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était de me dire, mais comment par le jeu est-ce qu'on peut faire ressentir de l'empathie? Comment on peut faire ressentir de la tristesse? Précisément, en plus, le jeu permet de faire quelque chose que d'autres médias ne font pas. C'est-à-dire que ça permet aussi de confronter l'individu à des choix. Il y a un philosophe du jeu qui s'appelait Jacques Henriot qui disait que jouer, c'est faire l'exercice des possibles. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Parce que finalement, par rapport à la thématique, par exemple, de mon jeu, qui est le suicide d'un proche, souvent, dans ces cas-là, on se pose des questions. Et notamment la question, mais et si? Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Et si j'avais fait autre chose? Qu'est-ce qui serait passé? Etc. Et ce qui m'a vraiment paru important, c'était d'essayer de lever cette contradiction, cette difficulté qui est de vouloir témoigner d'événements avérés, établis, tout en permettant de répondre justement à cette attente du joueur qui est de faire l'exercice des possibles. Sébastien Janvaux, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a un nouvel âge d'or du jeu vidéo narratif? On voit, effectivement, vous le faites en tant que tout petit studio, indépendant, etc. Mais des studios avec beaucoup plus d'ampleur s'y mettent. On voit Dontnod en France qui fait Life is Strange, qui a fait quand même beaucoup de bruit et qui est aussi un jeu vidéo narratif sans combat. Est-ce qu'aujourd'hui sont réunies les conditions pour qu'apparaisse une scène du jeu vidéo plus exigeante? Disons que la narration dans les jeux vidéo, ça a toujours été présent. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé pour plein de raisons à partir de la fin des années 90 et au cours des années 2000 de façon beaucoup plus dominante. Dans les années 80, il y avait plein de genres de jeux qui étaient narratifs, notamment ce qu'on appelait les jeux d'aventure. Même voir dans les années fin 70, début 80, on avait un genre qui a émergé qui s'appelait la fiction interactive, qui était juste des jeux en mode texte. Donc vraiment une forme de roman interactif. Bon, mais c'est vrai que pour le grand public, il y a eu un véritable tournant narratif dans les années 2000, où à un moment, l'industrie s'est dit, tiens, pour engager le joueur, en plus de l'engager techniquement, on va lui raconter des histoires. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on étend la palette de possibles créatifs pour les développeurs. Et effectivement, la narration est une des formes dans le jeu vidéo qui aujourd'hui est dominante. Mais après tout, on peut se dire aussi que de nombreux jeux sans forcément de narration forte ont encore du succès. Il suffit de penser à des jeux comme FIFA. Les tops des ventes sont pas forcément des jeux qui mettent très en avant des formes très, très développées et complexes de narration. The beast is awoken! Those conniving, piss-distilling, bridge-building liars. The creature was supposed to be out for days. They'll pay for this. What the hell manner of cargo are you transporting? Help! We need ropes! We must contain it! Help! Come now. Let's lend them a hand. Julien Rousseau, des studios, des grands studios comme Red Star, CD Projekt, etc., qui font des jeux qu'ils développent en 5 ans avec des centaines de personnes, énormément de budget, prennent beaucoup d'espace. Comment Spiders, avec 30 personnes sur des développements beaucoup plus courts, autour de 2 ans, voire 3 ans, peut rivaliser? Parce que le public devient aussi très exigeant quand il peut jouer d'un côté à un jeu qu'on appelle AAA, donc les jeux avec les plus gros budgets. Qu'est-ce qu'il peut trouver à jouer à un jeu qui est, on va dire, un peu moins ambitieux, parce que avec moins de moyens techniques et financiers? En fait, c'est très spécifique au public d'un genre de jeu. On développait des jeux de foot, ça serait un vrai problème, puisque en gros, le marché du jeu vidéo de foot, pour schématiser, est dominé par deux jeux principaux, FIFA et PES, et qui sont donc des jeux développés par des éditeurs qui ont énormément de moyens, qui vont acheter les droits à l'image de vrais joueurs et ainsi de suite. Donc c'est évidemment quelque chose qui coûte beaucoup beaucoup d'argent, et un petit studio pourrait pas arriver en disant « Moi, je fais un jeu de foot, j'ai pas les droits pour les joueurs », et évidemment, ils n'arriveraient jamais à s'imposer, ça marcherait pas, aucun intérêt. Le jeu de rôle, ce qu'on vend aux joueurs, c'est vraiment une expérience, une aventure, et même si les joueurs ont joué à la meilleure aventure du moment, par exemple The Witcher, une fois que l'aventure est finie, ils en veulent une autre, quoi. Ils vont regarder ce qu'il y a d'autre comme genre de ce jeu-là, et on espère apparaître à ce moment-là dans leur ligne de mire. Tout effectivement, sachant que techniquement, on n'aura pas peut-être le niveau d'un blockbuster. C'est vraiment comme ce qu'il y a au cinéma aussi. Hein. Pourquoi on ne va pas voir que des blockbusters au cinéma? Parce que parfois, on a envie de quelque chose peut-être un peu plus subtil, un petit peu différent, une autre expérience, une autre histoire. Gridfall, votre dernier jeu, est sorti il y a pas très longtemps. Il marche plutôt bien, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est un jeu qui marche bien pour Spiders? Combien de copies il faudrait en écouler pour que ça soit un succès? Alors ça dépend, puisque au fur et à mesure des années, nos budgets ont quand même grossi. Faerie, c'est un jeu qu'on a fait avec 350 000 euros, par exemple. The Witcher ou les jeux de BioWare, etc., c'est des jeux qui, même à l'époque, tournaient plutôt autour de 35 millions. Et qui maintenant, pour certains, atteignent les 100 millions, hein, enfin dépassent même les 100 millions. Donc nous, on était effectivement sur des tout petits budgets, et du coup, il suffisait de rendre pas beaucoup pour être rentable. Maintenant, Gridfall, je peux pas trop donner le budget, j'ai pas trop le droit, mais on est sur des budgets qui sont beaucoup plus gros, qui sont plusieurs millions. Moins de 10, mais plus de 1. Et du coup, évidemment, il faut en vendre un petit peu plus pour être rentable. Nos dépenses, c'est le développement du jeu. Mais derrière, l'éditeur, il a aussi des dépenses qui sont la fabrication quand le jeu sort en boîte. Donc, il me semble qu'on est rentable. Là, j'avais plus fait les calculs, mais il me semble qu'à 250 000 unités, on était rentable. Enfin, évidemment, pour un Ubisoft, ce serait ridicule. S'ils vendaient un jeu de 250 000 unités, ils seraient désespérés. Pour nous, c'est bien. Alors là, en l'occurrence, on a dépassé ces chiffres-là assez largement. Et donc, on est effectivement non seulement rentable, mais ça commence à être vraiment une belle réussite. Et notre éditeur est très content. Fibre Tigre, vous faites surtout du jeu vidéo indépendant, donc en dehors des grands studios de production du jeu vidéo. Comment financer aujourd'hui un jeu vidéo indépendant, fait quasiment tout seul? Alors, quand on est français, on a beaucoup de chance, c'est-à-dire que la France aide beaucoup les indépendants. Effectivement, le CNC dispose d'un fonds. Pour être tout à fait transparent, j'ai eu un mandat auprès de ce fonds. J'ai des jurys, des dossiers. Fonds FHJV qui finance à hauteur de 50% les projets de jeux vidéo indépendants. En fait, quand on demande un financement de jeux vidéo, on n'a pas, contrairement à d'autres métiers, à acheter du grain ou du papier. On finance juste des salaires. Donc quand vous demandez le financement, vous allez demander le financement pour financer un codeur pendant 12 mois. Et les éditeurs qui sont des financiers, qui ont beaucoup de pouvoir, un peu comme Gallimard, en fait, il va vendre, on va dire, 280 000 fourberies de scapins par an parce que c'est au bac. Il va avoir une manne financière extraordinaire. Et à côté de ça, il va miser un petit peu sur des petits auteurs qui font faire des premiers romans, en espérant que parmi l'un d'eux, il y a un Goncourt qui lui aussi se vende à 300 000, qui financera d'autres personnes. Les éditeurs de jeux vidéo fonctionnent de la même façon. C'est-à-dire que il y a des éditeurs qui ont des énormes machines. Il y a des jeux vidéo comme Farming Simulator qui se vendent très bien en France. Ce sont des blockbusters qui se vendent en permanence, qui apportent une manne financière considérable. Et ces éditeurs-là qui ont ces mannes financières disent bah, « Tiens, toi, ça m'intéresse, je vais mettre de l'argent là-dessus. » Il y a aussi l'exemple de gens qui travaillent dans des grosses sociétés du jeu vidéo qui effectivement accumulent de l'expérience et de l'argent pour pouvoir se casser, faire leur jeu indépendant, se planter, revenir dans la grosse industrie et retenter autant de fois qu'il faut jusqu'à réussir. Voilà. Parce que, en fait, on est des chercheurs d'or et on cherche à faire le hit, pas simplement pour l'argent, aussi parce qu'on veut faire le hit, on veut être dans ces gens qui ont fait un jour un Lifeline, qui ont fait un jour un Hotline Miami, qui ont fait un jour ces jeux, le premier Grand Theft Auto, qui ensuite va donner des licences qui vont marquer l'histoire du jeu vidéo. Vous cherchez à faire une œuvre. Vous savez, quand vous travaillez 4 ans à un jeu, quand vous travaillez, vous n'êtes pas forcément un producteur loin, mais quand vous codez votre jeu, quand vous en faites les assets artistiques, vous pouvez pas dire c'est pas une œuvre, vous pouvez pas dire c'est un produit commercial, j'ai fait ça pour l'argent. Non, à un moment, il y a de vous-même dedans, et c'est au moment d'ailleurs où vous mettez vous-même qu'il y a de la valeur intangible qui se crée, qui est perceptible par les joueurs et qui font que votre jeu va être acheté à un moment. Voilà. Un de ces hits, c'est Life is Strange. Ce jeu vidéo narratif en 5 épisodes, aux allures de série Netflix, est sorti en 2015. Il est l'œuvre du studio parisien Dontnod, fondé en 2008 et dirigé par Oscar Gilbert. On avait tout de suite vu le rapprochement avec la série télé et la possibilité de faire un jeu en épisode. Le fait que le jeu vidéo soit distribué en digital nous permet assez simplement de faire de l'épisodique. C'est-à-dire on peut faire un format qui est assez court pour un jeu vidéo. Un épisode, c'est entre 2 et 4 heures de jeu. Et à la fin, avec un vrai cliffhanger et puis de l'attente créée au niveau des joueurs pour avoir le prochain épisode, etc. En plus, on a eu tout de suite le support de notre éditeur, hein, donc Square Enix, qui est l'éditeur de Tomb Raider, un des Final Fantasy, un des très très gros succès du jeu vidéo, qui ont tout de suite cru dans l'histoire qu'on voulait raconter et qui ont cru au format de distribution. Parce que pour eux, ils ont, je pense, très vite compris que c'était pas, comme certaines personnes le disaient à l'époque, on va vendre, on va dire, 100 exemplaires du premier, 50 du deuxième, 30 du suivant, etc. Donc ça va du mieux. Non, c'est-à-dire, ce qu'ils ont vu, c'est que grâce à la distribution digitale, en fait, chaque épisode, c'était quelque part de l'espace de visibilité pour le jeu. Et donc, on va en vendre 100 du premier, effectivement. On a vendu plus de 3 millions, donc mais pour l'exemple. Mais voilà, quand le deuxième va sortir, ça va redonner de la visibilité au premier. Et donc, on va revendre du premier, on va revendre de la saison. Donc, c'est un format qui était très, très bien adapté, en fait, à la distribution digitale. Si vous êtes abonné à MyCanal ou à Netflix, quand vous connectez à la page, vous avez tout de suite les nouveautés qui sont en tête de page. Et donc, vous avez tendance à plus consommer ou télécharger, regarder ces épisodes-là ou ces films-là. Et sur les stores digitaux du jeu vidéo, c'est exactement la même chose. Quand on est sur Steam, quand on est sur PlayStation Store ou sur l'Xbox Live, toutes les nouveautés, vous les avez en hauteur. Et donc, un jeu en épisode, bah, on est 5 fois en haut de la liste, puisqu'on a 5 épisodes qui sortent. Oscar Gilbert, le tournant que vous avez pris, c'est celui de la dématérialisation du jeu. On télécharge d'Internet un fichier, et il y a dans le milieu un grand monopole qui est celui de Steam, de l'éditeur Valve, et sur cette plateforme, il faut dire quand même, il y a 180 jeux qui sortent chaque semaine, au moins, c'était les chiffres de 2018. Donc il faut des stratégies pour apparaître. C'est pour ça que nous avons choisi de nous associer à Square Enix aussi, qui a une force de frappe, qui a un nom, qui a une visibilité, qui va faire des opérations marketing, qui nous a permis, nous, Dontnod, justement, à nous faire un nom et un peu à sortir du lot. Ouais. In the previous episode of Life is Strange... Get that gun away from me, psycho! No! Whoa! What the fuck? but he could be talking about photography. Or have you done something wrong? Talk to me. Hey, Victoria. What do you want, Max? I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? Julian Rousseau, aujourd'hui, la plupart des jeux vidéo sont commercialisés de façon dématérialisée, donc sur des plateformes de vente en ligne, ce qui a pour conséquence que ces jeux sont mis en vente au même moment dans tous les coins du monde qui ont accès à Internet. Il faut donc penser à des joueurs qui viennent de pays très différents, avec des langues, des cultures très différentes. Comment on peut réussir à faire des scénarios qui parlent à tout le monde ? Il se trouve que sur Gridfall, on aborde une période qui est assez compliquée, historique, puisque on parle aussi de colonisation. Donc on touche un sujet charnière, puisque c'est aussi quelque chose qui va toucher, évidemment, de manière tout particulière, les Américains, mais aussi les Australiens, etc., puisque ça se passe dans un monde fantastique. On parle de la colonisation d'une île. C'est un peu mystérieux. C'est une île qui représente un peu tous les pays qui ont été colonisés. Mais évidemment, c'est un sujet qui est assez délicat à traiter. Et on s'est rendu compte que finalement, en embrassant complètement une spécificité européenne, voire française, en termes culturels. Donc c'est un jeu qui se passe dans un 17e fantastique. Donc oui, il y a des créatures étranges, il y a de la magie, etc. Mais il y a une référence historique quand même assez forte en termes de costumes, d'architecture, même de rendu visuel, puisqu'on s'est inspiré de la peinture flamande du 17e siècle pour avoir des tonalités et même effectivement sur la manière de rendre la lumière. Au lieu d'avoir un rendu qui se rapproche de la photo, on a essayé d'avoir effectivement un rendu qui se rapproche plutôt de la peinture. Et du coup, je pense qu'à l'étranger, c'est perçu un peu, oui, comme une forme d'exotisme, mais qui nous donne une raison d'être. C'est-à-dire que le marché japonais et le marché américain sont des marchés énormes, qui sont dominés beaucoup par des sociétés japonaises ou par des sociétés américaines. Finalement, l'Europe a toujours un petit peu plus de mal à s'imposer sur ces marchés-là. Alors, on a évidemment la Pologne qui a réussi à s'imposer avec une société qui s'appelle CD Projekt, qui a créé un jeu d'ailleurs très très inspiré de la culture polonaise et de la mythologie slave, et en l'occurrence en plus d'un romancier qui est polonais, pour créer The Witcher, qui est un univers et une série de jeux qui a eu énormément, énormément de succès. En s'inspirant de sa propre culture, ça attire aussi, je pense, un public étranger qui y voit quelque chose d'un peu spécifique, d'un peu, on va dire, attirant, du coup, parce que différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Le jeu vidéo, globalement, hein, est une industrie qui a des thématiques dominantes, souvent des thématiques de l'imaginaire, la science-fiction, l'heroic fantasy, ou bien la guerre, mais souvent c'est la guerre globale, ou des guerres qui ont été très médiatisées. Sébastien Janvaux, créateur de jeux vidéo et professeur à l'Université de Lorraine. Et on parle très peu de référents culturellement ancrés, très localisés. Ça s'explique par des logiques de globalisation, d'internationalisation. Et d'ailleurs, si on regarde le paysage des jeux vidéo en France dans les années 80, qui étaient des jeux vidéo faits par des Français pour des Français, on peut dire, hein, qui étaient distribués très localement, on voyait apparaître des référents culturels uniquement français, hein, des caricatures de personnages d'époque, de Guy Lux, de Serge Gainsbourg, bon voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit moins ce genre de logique-là dans les jeux vidéo. Et moi j'avais envie de tenter ça dans mon jeu, de me dire bah oui c'est une histoire individuelle et en même temps c'est ancré localement. Donc oui, mon jeu se déroule à Louvigny, qui est mon village, hein, dans lequel je suis né d'ailleurs, dans lequel je vis encore aujourd'hui, même si je m'en suis écarté pendant un moment. Et l'interrogation, c'était, mais est-ce que ça va faire sens auprès de cultures étrangères, différentes ? Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que si on va par exemple sur Steam, hein, qui est la plateforme sur laquelle est vendu le jeu, qui est une plateforme internationale, ben on voit des retours de joueurs russes, des retours de joueurs chinois, des retours de joueurs italiens. Ça découle aussi, je crois, des choix de game design que j'ai fait. Hein. Là, j'ai vraiment mené une réflexion sur la possibilité d'adopter différents univers de croyances, différents systèmes de valeurs, justement en ayant conscience de cette contrainte entre je dépeins quelque chose qui est culturellement ancré, mais en même temps, je vais m'adresser à l'international. Est-ce que tous les jeux vidéo racontent une histoire ? Est-ce que FIFA, en simulation de foot, nous raconte une histoire ? Est-ce que un simulateur de pilotage d'avion de ligne nous raconte aussi une histoire ? Alors, c'est ça qui est intéressant et en même temps complexe dans le jeu vidéo, c'est qu'on a différentes façons de considérer l'histoire. Typiquement, on peut se dire qu'il y a des jeux avec une histoire préalable que le joueur va être amené à actualiser. Les événements sont déjà établis. Et on peut avoir aussi d'autres jeux où c'est vraiment le joueur qui est le moteur de la création d'une histoire. C'est-à-dire ce qu'on appelle, dans le jargon un peu professionnel, des jeux bac à sable. C'est-à-dire le joueur a un terrain à sa disposition et l'histoire, c'est lui-même qui va se la construire. À chaque partie, il va y avoir une nouvelle histoire. Est-ce que l'histoire, c'est ce que le joueur va créer à chaque partie? Est-ce que l'histoire, c'est quelque chose qui est déjà préalablement existant dans le jeu? Et par rapport à ces possibilités-là, on peut aussi avoir une imbrication de différentes façons de raconter ou de laisser créer une histoire au joueur. Bon, moi, un jeu que j'étudie très souvent avec mes étudiants pour démontrer ça, c'est un jeu qui s'appelle Skyrim, qui est un jeu de rôle qui propose au joueur de pouvoir vivre sa propre vie dans l'univers du jeu, de devenir un vampire, de se marier, de devenir un loup-garou, d'aller un peu où il a envie. Mais en même temps, dans Skyrim, il y a aussi une histoire préalable, arborescente, très intéressante, que le joueur va pouvoir explorer s'il le souhaite. Et donc Skyrim propose ce panel-là, de laisser le joueur soit créer sa propre histoire, soit de découvrir une histoire préalable. Et donc, en plus, on peut avoir des jeux multijoueurs, parce que ça aussi, il faut y penser, quid de la création d'histoire lorsqu'il y a plusieurs joueurs qui sont impliqués, parce qu'il n'y a pas que des jeux solo. Par exemple, un jeu comme World of Warcraft, où il y a des millions de joueurs qui visitent un même univers, bah, cet univers-là a aussi son histoire, qui est établie par l'éditeur, par les développeurs, mais en même temps, chaque guilde de joueurs, chaque communauté a aussi sa propre histoire et chaque avatar a sa propre histoire. Donc on voit bien comment un jeu vidéo, finalement sur le plan narratif, c'est une imbrication qui peut être très complexe de différentes façons de raconter des histoires. Et après tout, on vit aussi dans une société de la narration, on le voit très bien, où se raconter des histoires, c'est aussi une façon de diffuser des valeurs, diffuser des visions du monde, et nous resituer en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que communauté, dans un ensemble qui nous dépasse. Et ça, les jeux vidéo le montrent très bien. Mélanie Christin, vous êtes conceptrice de jeux vidéo, cofondatrice et co-gérante du studio Atelier 801. Je viens vous voir parce que quand j'ai commencé à réfléchir sur comment les jeux vidéo racontent des histoires, spontanément je suis allé vers des créateurs qui mettent l'histoire au centre des jeux vidéo. Donc en général c'était des jeux de rôle ou des jeux narratifs. Mais il y a aussi tout un volet de jeux qui ne mettent pas l'histoire au centre de la pratique du joueur. Je pense aux jeux de tir à la première personne, ça peut être aussi des simulations de sport par exemple, et toute une série de jeux qu'on appelle jeux d'arcade qui font plus appel à l'habileté des joueurs plutôt qu'à l'histoire. Vous avez créé en 2010 Transformice, qui est un petit jeu. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste ce jeu? Qu'est-ce que voit un joueur quand il y joue? Alors, Transformice, c'est un jeu de plateforme à la base, où on incarne une petite souris, et on joue à 20 souris sur les mêmes plateformes. Et le but, c'est d'aller chercher le fromage à l'autre bout, l'autre bout du niveau, et d'aller le remettre dans le trou de souris qui est au départ du niveau. Et il y a un moteur physique qui est associé à ça. Donc si toutes les souris, par exemple, vont d'un côté d'un balancier, bah, le balancier va s'écrouler et tout le monde va mourir. Et ça va être assez rigolo parce que du coup, il y a une coopération, mais il y a aussi une compétition. Parce qu'on en a plus de points si on ramène le fromage en premier. Donc c'est un jeu, effectivement, qui n'intègre pas beaucoup de narration. Parce que c'est purement un jouet ludique, en fait. Mais Annie-Christin, il n'y a pas d'histoire dans Transformice ? L'histoire dans Transformice a été amenée au fil des années. On a voulu fêter quelques fêtes, par exemple Noël ou Halloween, ce genre de choses. Et pour ça, on a mis en place quelques personnages, sans forcément leur associer une histoire très complexe. Mais ce qui est très amusant, c'est que du coup, les joueurs eux-mêmes se sont emparés de ces personnages-là et leur ont écrit des histoires. Et du coup, certaines de ces idées étaient vraiment, vraiment très bonnes et excellentes. Et du coup, on a fini par les intégrer dans la narration du jeu, en fait. Le designer a une certaine idée de ce que va être son jeu vidéo, le propose à sa communauté, et parfois la communauté en fait quelque chose de totalement différent de ce que le développeur avait imaginé à la base. Et c'est ça qui est assez magique dans les jeux, notamment ce qu'on appelle Live Ops, donc les jeux qui sont développés en continu par le développeur, qui sont souvent en ligne, ça, cette force-là, quoi, de pouvoir adapter le jeu en fonction de la communauté, de ce que veut la communauté, de ce que les joueurs en font, et les joueurs sont très friands de ça. Ouais. Mélanie Christin, est-ce qu'on a besoin d'une histoire pour faire un jeu vidéo ? Mon histoire prouve que non. Aujourd'hui, le milieu du jeu vidéo étant tellement compétitif, je pense que les joueurs ont besoin, si ce n'est une histoire, au moins de personnages auxquels s'attacher pour que le jeu vidéo réussisse. Si on propose juste un jouet ou une expérience ludique très courte, le succès sera pas forcément au rendez-vous, parce qu'il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui qui sont disponibles, qui prennent beaucoup de place, beaucoup de temps dans la vie des gens, et du coup pour sortir de la masse c'est beaucoup plus compliqué qu'à une certaine époque. Donc aujourd'hui proposer une expérience purement ludique sans histoire ou sans personnage fort, ça me paraît compliqué. C'est peut-être encore faisable, mais je pense que c'est plus dur qu'avant. Fibre Tigre, c'est la fin de la journée, quasiment. Vous avez bien avancé sur votre projet. Est-ce que c'est totalement terminé ? En tout cas, c'est un peu le début de ce qui pourrait être un jeu vidéo, même un concept de jeu vidéo assez intéressant. Mais en tout cas, il est pas abouti pour le moment, mais c'est une jam. Donc on a une page web qui est accessible par tout le monde, dans laquelle il y a un texte descriptif. Ce texte raconte une scène particulière, plausible, réaliste, réelle d'ailleurs, de la disposition du musée du Louvre. Et on a une machine du chaos, qui est sur la droite de la description, dont on peut augmenter la puissance petit à petit. Donc la première phrase, c'est un long défilé de touristes sinus devant les entrées du musée. Alors, le style est un petit peu ce style ampoulé qu'on a à l'Oulipo, avec des adjectifs placés de façon très stratégique, parce qu'effectivement on va les mélanger, la langue française c'est une langue un petit peu compliquée. Donc cette phrase se transforme en un bleu ciel de chevalier sinu devant les entrées du musée. Donc sinué devant les entrées du musée est resté, mais il reste le bleu ciel de chevalier. Mais si je rajoute du chaos, ça va se transformer en un long croquis de touristes sinus devant les vitres renforcées. Voilà. Donc on reste dans des phrases qui sont un petit peu similaires, mais les mots ont changé. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les éléments, c'est-à-dire long croquis, vitres renforcées, les vitres renforcées qui remplacent les entrées du musée, en fait, elles ne sont pas apparues nulle part par combinatoire, mais elles sont remplacées d'autres éléments. Et donc les entrées du musée vont apparaître ailleurs dans la description. Voilà. Si on lit un petit peu plus loin dans le texte, on obtient donc des chérubins en costume noir contrôlent le musée des vendeurs de billets, juste derrière des portiques de détection de métal. On distribue aux vigiles attentifs un canapé dépliant. Les pièces plus petites mènent à des bustes antiques, puis à des salles couvertes de mosaïques. Des touristes japonais attentifs regardent un confortable tableau des maîtres italiens. C'était « Les jeux vidéo, c'est la vie ». Aujourd'hui, les jeux vidéo nous racontent des histoires. Avec Fibre Tigre, Johan Rousseau, Arnold Zéphir, Florent Guillaume, Sébastien Janvaux, Oscar Gilbert et Mélanie Christin. Réalisation Rafik Zénine. Prise de son Martin Troadec. Mixage Alain Joubert. Coordination Perrine Kervran avec Marivonne Abolivier. Merci à l'Institut Poincaré, aux employés du studio Spiders, à Anne-Catherine Bonjour et Anne Chantreau. Merci également à l'association Women in Games et à Mylène Lourdel. Un documentaire d'Antoine Tricot pour la série documentaire. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en chassant les fantômes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, jouer, c'est un métier.